Leçon 1, page 114, activité 2 et 3, piste 102. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier ? Il y a un cinéma, une pharmacie, un supermarché, une boulangerie. Il y a tout. Super. Et où tu vas souvent ? Je vais souvent au cinéma avec mes parents. Tiens, un cinéma.